inlassablement, année après année, saison après saison, les oiseaux migrateurs prennent leur envol depuis la fin de l'été du nord de l'Europe ou de l'Amérique vers des régions plus propices, souvent vers l'Afrique. Inlassablement, instinctivement, grâce à un système de navigation à la fois inné et acquis, mais année après année, les populations d'oiseaux migrateurs décroissent, leur transhumance étant rendue de plus en plus complexe par le dérèglement climatique, les ondes électromagnétiques, la pollution ou l'emploi de pesticides qui empoisonnent leur nourriture. Que sait-on aujourd'hui des phénomènes migratoires et y a-t-il péril en la demeure ? Les oiseaux migrateurs sont-ils en train de perdre le Nord ? C'est le problème que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire un état des lieux des connaissances sur les phénomènes migratoires et l'ensemble des perturbations climatiques et environnementales qui les affectent, eh bien nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maxime Zucca. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ornithologue chargé de mission à Nature Paris, qui est l'agence régionale pour la biodiversité en Île-de-France, également auteur de La migration des oiseaux, comprendre les voyageurs du ciel, c'est aux éditions Sud-Ouest. Bonjour Grégoire Loïs. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du programme de sciences participatives Vigi Nature au Muséum d'histoire naturelle. Vous pouvez suivre cette émission évidemment comme chaque jour en direct sur les ondes et sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors pour commencer, quand on parle d'oiseaux migrateurs, on parle d'une immense diversité d'espèces et de types de migration. Quels sont les traits communs en fait qui définissent toutes ces espèces d'oiseaux migrateurs? Est-ce qu'il y a une sorte de socle, de dénominateur commun à toutes ces espèces, Maxime Zucca? En fait, presque tous les oiseaux sont plus ou moins migrateurs. On a tendance à opposer des oiseaux sédentaires à des oiseaux migrateurs, mais on peut plutôt concevoir le phénomène de migration comme une variable qui s'exprime plus ou moins de manière extrême chez des oiseaux qui vont migrer très loin, de manière à l'autre extrême des oiseaux qui vont quasiment pas migrer. Mais globalement, tous les oiseaux sont capables de se déplacer en fonction de la nécessité de trouver des ressources alimentaires au cours de l'année. D'accord. Et on trouve même des espèces en fait chez lesquelles, suivant les populations, pour une même espèce, on a des sous-populations sédentaires et des sous-populations plus au nord qui sont migratrices. D'accord, mais ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas d'oiseaux strictement sédentaires, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas d'un... Maxime ? Il y a des oiseaux strictement sédentaires, il n'y a pas forcément d'espèces strictement sédentaires. Quelle est la distinction précisément qu'on fait entre des oiseaux nomades, semi-nomades, entre des migrations partielles et des migrations totales ? Est-ce qu'il y a des échelles qui permettent de quantifier ça sur certaines espèces ? Grégoire Loïs ? Il y a tout un tas d'échelles, tout un tas de définitions, c'est quand même assez arbitraire justement, comme on le disait, parce qu'il y a un gradient continu quasiment entre la sédentarité et la migration. Mais effectivement, on parle de migrateurs courtes distances pour des migrateurs finalement qui ne quittent pas l'Ouest paléarctique, qui vont par exemple d'Europe du Nord à l'Europe centrale ou à l'Europe de l'Ouest. Et puis on parle de migrateurs longues distances. Parmi les longues distances, il y a en plus les transsahariens. Alors ça, c'est très orienté paléarctique. Et effectivement, on fait des catégories. C'est des catégories qui restent arbitraires. De fait du continuum qui existe chez beaucoup d'espèces. Et est-ce qu'on peut quantifier la quantité d'oiseaux migrateurs, disons migrateurs au long cours, par rapport à la totalité des espèces recensées, Maxime Zucca ? En France, c'est un petit quart. Un quart. Migrateurs qui vivent transsahariens. Ensuite, les migrateurs dits partiels, courte distance, ça dépend. Globalement, on a quasiment tous, mais la plupart des oiseaux, par exemple les rouges-gorges français, eux, ils sont plus ou moins sédentaires, mais les rouges-gorges suédois, on les voit arriver en hiver, donc ils sont migrateurs courte distance pour nous aussi. Est-ce que les motivations de migration sont strictement les mêmes pour toutes les espèces ? Est-ce qu'elles varient, Maxime Zucca ? Alors là, c'est beaucoup plus complexe. C'est une vaste question. On peut dire globalement que la migration, c'est un phénomène qui a évolué pour exploiter les ressources de manière optimale dans le temps et dans l'espace. Donc c'est ça, éventuellement, le trait d'union entre tous les comportements migratoires. Ensuite, pour beaucoup d'oiseaux, on va dire que la migration, elle a plutôt évolué pour pouvoir profiter des ressources estivales dans des contrées difficiles, dans lesquelles la survie est difficile une bonne partie de l'année, mais extrêmement intéressante, 2-3 mois de l'année. Donc la migration a vraiment évolué pour ça, pour exploiter par exemple la taïga scandinave. Il y a des moustiques tout l'été, c'est intéressant d'en profiter, mais pour ça il faut être capable de se déplacer, de partir en hiver. On a aussi des migrations qui sont le fruit de trajectoire d'expansion un petit peu plus aléatoire des espèces suite à la dispersion. En fait, les jeunes oiseaux, on va chercher de nouveaux territoires de nidification et s'étendent progressivement vers le nord. Donc parfois, il n'y a pas forcément un but au départ dans la migration, mais du coup, suivant cette trajectoire souvent d'expansion post-glaciaire des espèces au cours de la fin de la dernière déglaciation, ben, les migrations vont reproduire ces trajets d'expansion d'espèces suite aux déglaciations. C'est-à-dire qu'en fait, l'apparition de la migration, je ne sais pas si on en a une histoire évolutive très très définie, mais ce serait précisément un avantage évolutif pour s'adapter au changement de température et justement à la fin et à la transformation des différentes aires glaciaires. Oui, incontestablement, là, on a, le poids de cette histoire évolutive, selon les espèces, peut jouer fortement. On a des espèces où on voit qu'en fait, finalement, à travers le patron migratoire, on a l'histoire évolutive. Là, Maxime parlait des refuges glaciaires et de la reconquête de l'Ouest paléarctique. En fait, on voit se détacher comme ça deux voies, une voie orientale, une voie occidentale, qui sont le reflet de l'histoire évolutive de ces espèces, de la localisation de leur refuge glaciaire. Et si on remonte beaucoup plus loin, donc à l'époque du Jurassique, la Terre était chaude, globalement tropicale sur l'ensemble de la planète. Il y avait juste au pôle qu'on avait des climats un peu tempérés, voire boréaux, peut-être sur certains sommets antarctiques. Et globalement, les espèces avaient a priori moins de raisons de migrer que maintenant. Il y avait certainement des déplacements liés à la pluviosité, par exemple, comme actuellement en Afrique, en Australie. Et puis ensuite, on a un grand refroidissement qui arrive un petit peu plus tard. Je ne me souviens plus de tous les noms des aires géologiques. Mais donc on a plusieurs refroidissements. Et a priori, c'est là que les oiseaux, comme ça se fait très lentement, on peut imaginer qu'ils sont restés se reproduire. Par exemple, certaines espèces, en tout cas, sont restées se reproduire aux mêmes latitudes, donc pas trop bouger, et ont commencé à développer des petits déplacements saisonniers, mais ça a été très progressif. Et c'est comme ça, on pense, que sont apparues les migrations en long cours qu'on connaît maintenant. Et oui. Il semblerait que ce soit même un trait qui soit variable au sein d'une même espèce. C'est-à-dire qu'au sein d'une même espèce et même d'une même population, ce qu'on constate en ce moment, c'est qu'il y a une diminution du caractère migratoire pour une partie des individus, d'une même sous-population. Donc on pourrait imaginer comme ça qu'il y a eu une apparition du caractère migratoire au sein d'une même population, seulement sur une partie des individus qui s'en sont trouvés avantagés. Là, en ce moment, ils se trouvent plutôt désavantagés par le fait de migrer, en tous les cas, Il faut rappeler, puis je vais renvoyer les auditeurs à l'émission que nous avions consacrée à ce sujet, que les oiseaux sont les derniers dinosaures qui ont résisté à l'extinction du Jurassique Crétacé à 75 millions d'années. On avait consacré toute une émission là-dessus, donc n'oubliez pas que quand vous regardez un pigeon les yeux, vous regardez un ancien tyrannosaure. Mais en attendant, on va voir que les modes de migration diffèrent de façon très importante en fonction des espèces. Et cela d'ailleurs rend, comme vous allez nous l'expliquer tout à l'heure, le travail des ornithologues assez complexe. Le plus simple est, comme souvent, d'aller voir avec une équipe d'ornithologues comment se déroule une session d'observation. L'Île-de-France est un excellent spot pour étudier les migrations saisonnières. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors vous auriez adoré qu'on vous envoie au Pays Basque, qui est une autre zone d'exception pour observer les oiseaux migrateurs, mais vous êtes plutôt allé au Jardin Paris, des Plantes. Non, c'est un excellent spot d'observation, Nicolas. Certaines espèces, en tout cas, arrivent de l'Europe du Nord et viennent ici en Île-de-France faire une halte migratoire. C'est une étape donc essentielle pour les migrateurs, car ils font des réserves avant de repartir en route vers le sud. Et c'est surtout l'occasion pour les chercheurs de les observer, comme Frédéric Giguet, qui est ornithologue au Muséum d'Histoire Naturelle et qui m'a expliqué les techniques de suivi des populations. Il m'a amené au Jardin des Plantes pour rechercher des pouillots véloces. Alors malheureusement, on a pu les entendre, mais on n'a pas pu les voir car ils étaient bien cachés à l'abri des prédateurs. L'Île-de-France, une région où on peut observer des migrateurs. La France étant en quelque sorte au carrefour de beaucoup de voies de migration, les oiseaux qui viennent d'Europe du Nord, qui viennent d'Europe centrale, qui viennent du Royaume-Uni et qui passent par la France. Mais la plupart des petits oiseaux migrent en fait directement vers le sud et passent par le Moyen-Orient. Là, on est au mois d'octobre. Est-ce que c'est une période critique dans le parcours de migration ? Au mois d'octobre, on va avoir en migration, en passage, beaucoup d'oiseaux qui viennent d'Europe du Nord et qui vont aller hiverner, notamment au Maghreb. Et pour y aller, ils passent par chez nous. On entend un pouillot véloce au-dessus de nous. Là. Ça y est, on l'entend plus. Vous pensez que ça peut stimuler un pouillot d'entendre un son d'un autre pouillot, même s'il est enregistré? C'est ce qu'on fait pour essayer de faire réagir un pouillot véloce, puisqu'il y en a dans les buissons, là, dans les arbres. On peut essayer de diffuser son chant. Assez souvent, en fait, ça va provoquer une réaction des oiseaux présents qui vont répondre, venir voir ce qui se passe. Alors, je vais trouver, ça y est. Alors, il a un cri assez facile à reconnaître, un petit « oui, oui ». Et le principe, en général, chez ces petits oiseaux, c'est qu'ils vont faire des vols nocturnes, de déplacement de l'ordre de 400 à 500 km. Ensuite, ils s'arrêtent à un endroit où ils vont reconstituer des réserves. Et une fois que les réserves seront à nouveau complètes, ils vont refaire un bond de 400 à 500 km jusqu'à un autre endroit où, à nouveau, ils vont s'arrêter, etc. Et ça, jusqu'à leur zone d'hivernage. Est-ce que vous réussissez à identifier des individus dans cette espèce-là ? Alors, sur le pouillot véloce, non. Mais sur d'autres espèces, oui, on peut mettre en place des suivis scientifiques assez précis pour essayer de comprendre d'où viennent les oiseaux qui passent en migration chez nous. Parce que le pouillot véloce, il pèse 6-7 grammes, donc c'est très compliqué de l'équiper d'un bagage aussi lourd. Voilà. En fait, on considère qu'on peut équiper un oiseau avec du matériel qui représente idéalement 3% de son poids. Et les plus petits GPS actuellement pèsent à peu près 2 grammes. Donc, on ne peut pas les utiliser sur ces petits oiseaux. Par contre, on a d'autres techniques qui nous permettent de suivre a posteriori la migration de petits oiseaux. Et au muséum, on a récemment conduit une étude sur 5 ans sur un autre oiseau qui s'appelle le bruant ortolan. La question étant de savoir d'où viennent les oiseaux qui migrent par la France, combien il y en a et où ils vont en hiver. Et pour ça, on a utilisé des différentes techniques, trois principales. La première, c'était l'analyse chimique des plumes. Vous avez quand une plume d'oiseau pousse, elle se construit avec les éléments que l'oiseau va trouver dans l'environnement. Et on a un isotope stable de l'hydrogène qui s'appelle le deutérium, qui présente une structuration géographique à l'échelle du continent, une concentration qui va varier selon que l'on est au sud ou au nord de l'Europe. C'est un bon marqueur pour pouvoir identifier la provenance d'un individu. Voilà, et la plume de l'oiseau va avoir la même signature isotopique que celle de l'environnement où elle a poussé. Du coup, si on capture des oiseaux en migration en France et qu'on regarde la concentration en deutérium de leurs plumes, en automne, on va pouvoir identifier les zones où la plume a poussé pendant l'été. Donc si c'est un jeune là où il est né, l'endroit du nid, à quelques centaines de kilomètres près. Si c'est un adulte qui a mué juste après la reproduction, l'endroit où il a mué. Et au printemps, quand les oiseaux remontent, s'ils ont mué des plumes en hiver, sur leur zone d'hivernage, on va pouvoir également identifier globalement les zones où ces oiseaux ont passé l'hiver. Alors ça, c'est pour la partie chimie de la plume. Une autre technique qu'on a utilisée sur les bruants ortolans, c'est la génétique. On a des populations nicheuses qui sont en partie structurées génétiquement parce qu'il y a des échanges entre des grands groupes de populations. Donc on a pu mettre en évidence, par exemple, que toutes les populations de Scandinavie sont génétiquement originales, isolées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'immigration ou d'émigration d'oiseaux d'Europe de l'Ouest ou d'Europe de l'Est en Scandinavie, et qu'on retrouve à peu près 30% d'oiseaux scandinaves dans les migrateurs qui passent par la France. Donc ça, avec une analyse sur 24 microsatellites, donc ça c'est du gros travail de laboratoire, mais des marqueurs génétiques qui permettent aussi d'identifier des populations d'origine de certains oiseaux. Et puis la dernière technologie qu'on a utilisée, ce sont des photomètres géolocalisateurs. Alors là, c'est de l'électronique miniaturisée, puisque les photomètres ne pèsent que 0,6 grammes. Par contre, contrairement au GPS, ils n'envoient pas les données qu'ils enregistrent. Donc il faut recapturer l'oiseau l'année suivante pour récupérer le matériel et vider sa mémoire. Alors le principe du photomètre, c'est assez intéressant, c'est qu'on a donc dans ce petit appareil une cellule de photomètre justement qui va enregistrer l'intensité de la lumière toutes les 5 minutes et qui nous permet, quand on le récupère, de connaître la durée du jour et l'heure du midi solaire. Et en fait, à partir de ces deux informations, à quelle heure le soleil était au zénith et quelle a été la durée d'ensoleillement sur une journée, on peut replacer l'individu en longitude et en latitude sur une carte. C'est par exemple très utile pour savoir si un oiseau russe est parti en migration vers l'Europe de l'Ouest ou vers l'Europe centrale et le Moyen-Orient. Donc sur les bruants ortolans, on a pu comme ça déterminer que les oiseaux de Scandinavie, de Pologne, d'Allemagne, migrent en passant par la France et vont hiverner dans une zone qui va du sud du Mali à la Sierra Leone, et surtout en Guinée. Et les oiseaux russes, biélorusses, serbes, turcs, migrent eux par le Moyen-Orient et vont hiverner en Éthiopie. Donc on a encore plein de choses à découvrir comme ça sur la phénologie de passage de ces oiseaux. Voilà le reportage. reportage sur le Pouillot Vélos au Jardin des Plantes à Paris. Une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre, Maxime. Vous me disiez que vous avez participé à l'une des campagnes justement de bagages en Russie. Celle dont parlait à l'instant Frédéric Giguet sur le bruant ortolan, qui est un oiseau assez mythique. Tout le monde en a, presque tout le monde en a certainement entendu parler, parce que c'est un oiseau qui était consommé, et notre ancien cher président François Mitterrand d'ailleurs, voilà, c'est un de ses petits plaisirs. C'est un de ses plats favoris. Oui. Mais c'est une espèce qui est en grand déclin, en voie d'extinction. En Europe, on est à moins 85% en termes de déclin à l'échelle de l'Europe des populations, et aussi bien du fait de la modification des habitats, agriculture, etc., que chasse, notamment pour cette consommation. Donc du coup, voilà, on a fait cette étude coordonnée par Frédéric Giguet. Moi, j'allais équiper les oiseaux de ces photomètres géolocalisateurs sur les steppes à Belgorod en Russie ou à Volgograd. Belle étude. Grégoire Louis, une réaction à ce que vous venez d'entendre. On entend que, évidemment, chaque population, chaque espèce d'oiseau migrateur, à chaque espèce est liée une méthode d'observation particulière qu'on ne peut pas généraliser, et qu'il y a aujourd'hui, la science permet d'avoir un éventail de méthodes d'observation qui sont plus ou moins complexes, plus ou moins précises, mais qui progressent, voilà. Incontestablement. Là, on a entendu parler des géolocalisateurs, on a entendu parler des photorécepteurs, il y a la technique du radar aussi qui est utilisée pour observer les populations de masse. On est à 0,6 g pour le Pouillot Vélos, donc on est plutôt vers les 5%, voire un peu au-dessus de la masse, et on a entendu que 3%, c'était un peu mieux de la part de Frédéric. Et du coup, ce qu'on se dit, c'est que la miniaturisation, ça va arriver. Quand j'ai débuté au muséum, il y avait des balises Argos. De 12 kilos. Pas 12 kilos, mais des balises Argos qui faisaient 150 grammes et composaient sur de gros oiseaux avec un harnais très pesant. Voire même que sur certaines études, sur des oiseaux, des canards qui vivent vraiment au-delà du cercle arctique. J'ai entendu dire que ces balises Argos, elles étaient en fait cousues à l'intérieur du corps du canard pour pouvoir rester actives, parce que sinon, dans le froid, elles... Donc on ouvre le canard. Ça commence à être un peu invasif. Ouais. C'est un tout petit peu invasif, effectivement. Et donc tout ça, c'est en train de disparaître avec la miniaturisation. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ces différentes techniques, par exemple les photorécepteurs, on entendait dans le reportage que ça donne certaines indications, mais des indications qui sont relativement peu précises. On n'a pas parlé dans le reportage, mais peut-être que vous pouvez nous en dire un mot l'un l'autre, aujourd'hui, d'utilisation de la surveillance satellite. Alors là, pour le coup, on est vraiment typiquement dans la balise Argos et le géolocalisateur. Mmh. Effectivement, la surveillance satellite, c'est d'autant plus populaire que on peut quasiment en temps réel suivre les déplacements de l'oiseau. Donc ça a été rendu très populaire, par exemple, en Angleterre avec le suivi des coucous, puisque finalement, ils ont fait appel à la population pour parrainer des coucous. Ils ont donné des prénoms aux coucous et tout le monde pouvait suivre comme ça de jour en jour le déplacement des coucous. On a tenté une expérience du même type avec Maxime sur des blongios, mais on n'a pas réussi. Ah. Quel est aujourd'hui l'intérêt pour vous, ornithologue, d'avoir ce suivi aussi précis possible de ces différentes espèces, de ces phénomènes migratoires? Quelles sont les informations que vous recherchez en fait, Maxime Ducas? Elles sont extrêmement variées. On partait de pas grand-chose à l'époque. Avant l'arrivée de ces balises Argos, etc., on n'avait quasiment que le bagage, poser une petite bague aux oiseaux pour savoir un petit peu où ils allaient. Avant ça, on pensait, au 16e, 17e siècle, on pensait encore que les hirondelles hibernaient au fond des étangs et que les oiseaux se transformaient en d'autres oiseaux en hiver, presque. Donc ensuite, on a un petit peu élargi notre spectre. Le bagage a permis de comprendre où allaient certains oiseaux, mais ça apportait qu'une information d'un point A à un point B. Et là, maintenant, avec ces systèmes de suivi télémétrique, satellitaire, etc., on a l'ensemble du trajet, on sait combien de temps ils volent, combien de temps ils s'arrêtent, quelle est leur stratégie de halte, quels sont les sites du coup qui sont les plus utilisés, combien de temps ils mettent pour reconstituer leur réserve, à quelle altitude ils volent, comment est-ce qu'ils réagissent à la météorologie, etc. Comment ils se comportent d'une année sur l'autre, parce que les jeunes oiseaux vont pas se comporter de la même manière que les oiseaux expérimentés pendant leur migration. Ça répond à un éventail de questions énormes, en fait, les suivis précis tout au long de la migration comme ça. On va raconter dans quelques minutes, hein, justement, précisément tout ce que ces études nous ont permis de comprendre sur les phénomènes migratoires en tant que tels. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on parle d'oiseaux migrateurs, mais des migrations, en fait, il y en a une variété immense. Il y a vous venez de l'évoquer, de jour, de nuit, à différentes altitudes. Il y a des oiseaux qui parcourent beaucoup de distance, Grégoire Loïs. Du vol battu, du vol plané en préférence. Et puis juste pour déborder, je vais juste l'évoquer, mais il n'y a pas du tout que les oiseaux qui migrent. Il y a des parmi les autres animaux volants, il y a beaucoup d'insectes volants qui migrent, des libellules, des papillons, des orthoptères, il y a les chauves-souris qui migrent. Et puis il y a des animaux qui volent pas, qui migrent aussi, enfin qui migraient de moins en moins maintenant avec l'occupation du sol par l'homme. Et puis les poissons migrateurs. Donc la migration, c'est les déplacements de population, c'est vraiment quelque chose d'assez prégnant dans le règne animal. Mais c'est toujours motivé par les mêmes raisons qui sont en fait une quête de nourriture et une quête de nidification. Pas toujours, c'est une quête d'une ressource, mais qui n'est pas forcément la nourriture, qui peut être une ressource de nidification. Par exemple, les tortues marines, elles ne peuvent pas pondre dans l'eau. Elles vont migrer pour aller pondre sur des plages. Chercher une plage favorable ou enterrer ses œufs, etc. La motivation, ça peut être aussi de diminuer la compétition intraspécifique, c'est-à-dire la compétition entre les individus d'une même espèce. Donc il peut y avoir chez les insectes, par exemple, il y a plusieurs générations successives, j'arrête avec les insectes après. La comparaison est intéressante. Où en fait, la deuxième génération, elle s'écarte un peu plus au nord, les conditions deviennent un peu plus favorables au nord au fur et à l'avancement du printemps. Donc elle s'écarte au nord, et puis la génération suivante, pareil, de manière à ne pas être en compétition pour la ressource, pour les diverses ressources. Avec les individus de la même espèce. Ce qui va, c'est sans parler encore, on l'évoquera tout à l'heure, des changements de trajectoire ou des modifications des cours migratoires liés à l'activité humaine. Une même espèce d'oiseau ne va pas emprunter, contrairement aux idées reçues, systématiquement le même chemin. Non, et ça c'est assez incroyable, c'est justement ce que venait de dire Grégoire vaut pour beaucoup d'oiseaux aussi. Au sein d'une même espèce, par exemple, les populations les plus méridionales vont être celles qui vont migrer sur de courtes distances, par exemple. La gorge bleue, qui est un très bel oiseau qui niche dans les marais, qui niche de l'ouest de la France, vont aller hiverner au Portugal, alors que celles du nord des Pays-Bas vont aller hiverner plutôt au Sénégal, et celles de Scandinavie vont aller hiverner en Afrique de l'Est. Même là, au sein d'une même espèce, on n'a pas du tout les mêmes trajectoires migratoires, et aussi pour des raisons d'optimisation de cette compétition intraspécifique. Et en plus, c'est assez intéressant, c'est assez bien organisé. Plus une espèce niche au nord, plus elle... Elle revient tard sur ses terrains d'édification puisque le printemps arrive plus tard. Donc du coup, elle peut se permettre de migrer plus loin et de prendre plus de temps pour migrer et en plus de profiter de l'avancement du printemps tout au long de sa migration au cours des pays qu'elle va traverser. Ce qui m'amène à une autre question, est-ce qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que les simples déclencheurs des phénomènes migratoires sont systématiquement les températures, le manque de nourriture, ou est-ce que là aussi il y a un panel de facteurs déclencheurs qui est très divers, Grégoire Loïs? Alors en fait, le fait qu'on soit en train de vivre un changement climatique, ça nous permet justement d'en savoir un petit peu plus sur les moteurs et les déclencheurs. Les déclencheurs, c'est des déclencheurs pour la plupart du temps physiques, mais effectivement, ça n'est pas que la... Alors, il y a la longueur du jour qui peut déclencher, mais c'est pas que la température. Le fait que les déclencheurs ils soient comme ça de sources variées, c'est justement ce qui pourrait éventuellement poser un problème de plasticité pour les espèces pour s'adapter au changement climatique en cours. C'est-à-dire que comme le déclencheur, c'est pas seulement la température, mais que c'est aussi d'autres facteurs, du coup, il va y avoir des décalages qui vont se produire entre les interactions entre les différentes espèces qui jouent dans les réseaux d'interaction de ces oiseaux migrateurs. Oui, Maxime. Mais ce déclencheur, il est quand même soumis à sélection naturelle, c'est-à-dire que globalement, on peut voir la variable « je migre ou je migre pas » comme une variable à seuil, en génétique, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire ? Alors, une variable à seuil, c'est une variable qui va s'exprimer ou pas au-delà d'un certain seuil. Mmh. Ce seuil, il va être justement défini par des conditions environnementales, température et photopériode notamment. Et là, il est fixé individuellement, transmis génétiquement. Donc ensuite, une espèce a globalement un peu les mêmes, c'est-à-dire que pour des conditions environnementales semblables et des conditions de photo et à une date donnée, l'espèce va avoir tendance à migrer à ce moment-là. Mais ensuite, il y a des erreurs qui se produisent, de recombinaisons, de mutations, etc. Ce qui fait qu'il y a des individus qui ne vont pas migrer alors que les conditions environnementales l'inciteraient à le faire parce que le seuil de cette variable n'est pas placé de la même manière chez cet individu-là. Et c'est comme ça qu'on va avoir éventuellement une sélection d'un moindre comportement migratoire ou du coup d'un arrêt de la migration par certaines conditions et que ce genre d'individus peuvent être favorisés par le réchauffement en cours. Mais le problème pour une sélection, c'est que c'est pas directionnel pour l'instant. On a une tendance au réchauffement, mais on a des années froides, des années chaudes, c'est en dents de scie. Donc du coup, on a systématiquement une contre-sélection des individus qui cherchent à ne plus migrer. Voilà. Et par contre, cette variable à seuil, c'est un peu plus complexe après. C'est que c'est pas seulement je migre ou je migre pas, c'est aussi je migre moins ou plus ou moins loin Et là, on ne comprend pas encore complètement, génétiquement, comment tout ça se passe. Mm-hmm. Ce qu'il faut préciser aussi, et encore une fois, en dehors de la chasse, du braconnage, de l'activité humaine, etc., c'est que de toute façon, toute migration est une migration à fort poussée sélective, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'individus d'une population migrante qui n'arrivent pas à terme, qui n'arrivent pas au bout du voyage. Oui, oui, tout à fait. C'est la survie durant la migration. Il y a quand même la traversée de la Méditerranée, la traversée du Sahara, en tout le cas, lorsqu'on parle des migrateurs transsahariens de l'Ouest paléarctique. Et le taux de survie, il peut être effectivement plus faible que la portion sédentaire de la population qui est restée, quoi. Donc, et c'est là que se fait la sélection. J'ai perdu un peu le fil de ce que. Non, mais sur le fait qu'il y a une partie des individus qui n'arrivent pas et que la migration en elle-même est une poussée sélective dans une population donnée. Ouais, absolument. La valeur sélective de la migration est absolument considérable. Maxime disait tout ça est très bien organisé. Il y a une pression terrible derrière pour que tout ça arrive à une forme de bonne organisation, avec effectivement une disparition des losers, comme on dit. des moins costauds, on va dire, pour dire ça autrement. On a une idée où c'est totalement impossible de donner des échelles, de dire que sur telle population d'oiseaux, il y en a grosso modo 75% qui arrivent à destination. C'est cet ordre-là. Qui arrivent à destination justement. 75% qui meurent. Ouais, c'était une espèce de paruline, je sais plus, la bleue, je crois, paruline bleue à gorge noire aux États-Unis. Ça a été estimé. Alors, je me souviens plus du chiffre, j'ai pas révisé avant l'émission, mais c'était de l'ordre de 70% de mortalité au cours de la première année durant la migration. C'était monstrueux. C'est peut-être pas du tout la même chose chez toutes les espèces. Évidemment, chez les aigles, les grands rapaces, la migration, la mortalité est bien moindre, mais chez des petits passereaux qui ont une stratégie où ils se reproduisent beaucoup plus, on accepte, entre guillemets, plus de mortalité durant la migration ou pendant la dispersion. Ce qui est sûr, c'est que la migration et la dispersion postnatale, c'est les deux périodes du cycle de vie qui sont les plus dangereuses. Et, Et un dernier mot, et puis ensuite on va essayer de comprendre justement comment certains des mystères qui restent autour de cette migration, c'est-à-dire comment ces oiseaux arrivent d'un point A à un point B et arrivent à répéter ces phénomènes d'année en année, à partir de quel type de capteurs, à partir de quel type de stimuli. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que avant la migration, pendant la migration, il y a aussi un phénomène extrêmement important qui s'appelle l'hyperphagie, c'est-à-dire que les oiseaux sont obligés d'emmagasiner de la graisse pour pouvoir résister. Vous pouvez nous en dire un mot, Maxime Jucard? Vous avez mieux révisé que moi, en fait. Moi, c'est mon boulot. Enfin, remarquez-vous aussi. L'hyperphagie, donc c'est effectivement le comportement qui consiste à se nourrir beaucoup juste avant le départ. Alors, avant le premier départ, mais aussi à chaque halte migratoire. Donc, c'est-à-dire qu'un oiseau, en temps normal, il va manger de quoi juste vivre jusqu'au lendemain, etc. Alors que là, il va constituer des réserves, de fortes réserves. Un phragmite des joncs, par exemple, un petit oiseau qui vit dans les roselières, il pèse habituellement 10 grammes. On en capture en période de migration qui font 20 grammes. Ils ont doublé leur poids après s'être arrêtés 10 jours sur un site. Des oiseaux tels que les limicoles, comme les barges rousses, elles, avant de faire un vol de 10 jours, bon, c'est le record, elles volent 10 jours de suite, 10 jours de nuit, elles prennent 100 grammes de réserve. Donc là, effectivement, il y a ce comportement d'alimentation un peu effrénée qui consiste à se nourrir et du coup à rechercher la meilleure nourriture. C'est la tragédie du bruant ortolan. Hein. Ouais. Le bruant ortolan, en fait, il fait partie de ces rares oiseaux qui continuent à pratiquer l'hyperphagie en captivité. Du coup, on peut l'engraisser en captivité si on capture un bruant jaune, qui est vraiment un très très proche cousin, en pleine période de migratoire et qu'on l'enferme dans une cage, qu'on lui donne à manger, il va manger que ce dont il a besoin. Le bruant ortolan, lui, est capable de doubler son poids en captivité, dans des conditions, quoi. Ce qui vaut dire en cette période, puisque la période migratoire a commencé, pour nos auditeurs, et parce qu'on avait déjà fait aussi une émission autour des sciences participatives et de la façon dont on pouvait contribuer individuellement à aider la science, etc., mettre un petit bout de beurre ou mettre des graines sur son balcon, sur son jardin, ça aide précisément les oiseaux migrateurs à constituer des réserves. Ça n'aide pas vraiment les oiseaux migrateurs à constituer des réserves, ça aide plutôt à prendre conscience de la beauté de la nature qui nous entoure et à créer un petit lien affectif avec les oiseaux. C'est principalement globalement, les oiseaux n'ont pas vraiment besoin de nous pour survivre en hiver, mais ça leur fait pas de mal de mettre un petit peu de graisse. Ensuite, là, on est le nourrissage, c'est principalement en période hivernale. En période de migration, par exemple, pour ces transsahariens, c'est août, septembre, donc on nourrit pas beaucoup, puis ils mangent beaucoup d'insectes, et ils mangent des baies. Ils mangent très peu de graisse pendant de lipides pendant les vols migratoires. Parce qu'il faut en plus rechercher les aliments qui sont les plus optimums en termes de ratio glucides, protéines. Et donc, c'est les baies. Et par exemple, si j'ai encore une minute là-dessus, il y a un petit limicole américain qui s'appelle le Bécasso semi-palmé. Alors, il a son proche parent en France qui est le Bécasso minute. Et là, toute la population s'arrête dans l'estuaire, dans l'estuaire du Delaware, pardon, dans le nord des États-Unis. Parce qu'on y trouve un copépode, donc c'est un tout petit crustacé dont il est friand, et ce copépode, il a des taux très élevés d'oméga-3. Et cet oméga-3, il stimule la porosité des mitochondries, les échanges gazeux, et du coup, en fait, il optimise le métabolisme de vol derrière, et il produit ce que globalement on obtient, il aurait obtenu après 2 semaines d'entraînement sportif. Donc c'est juste comme du dopage globalement. Donc voilà, donc trouver la bonne ressource qui est la plus optimale d'un point de vue nutritif, c'est aussi central, et c'est pour ça que c'est un point crucial dans la conservation des oiseaux migrateurs, c'est comprendre comment ils se nourrissent, de quoi est-ce qu'ils se nourrissent et où est-ce qu'ils trouvent ces sites. Et finalement, notamment pour des oiseaux comme ce Bécasso, en fait, si ce site et ce copépode disparaissent, toute la chaîne, toute la population potentiellement peut disparaître. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Ooh, a lovely little sparrow who's traveled far and cries for tree. I won't share my branches with no sparrow's nest, and my blanket of leaves won't warm a cold breast. Ooh, a lovely little sparrow. The entire idea is utterly absurd. I'd be laughed at and scorned if the other swans heard. And who will take pity in his heart? A starving sparrow. Not I, said the golden wheat. I would if I could, but I cannot, I know. I need all my grain to prosper and grow. Ooh, a lovely little sparrow. Returns unto me. From dust were ye made, and dust ye shall be. Simon & Garfunkel, Sparrow sur France Culture à 16h, bientôt 35, puisque nous parlons des oiseaux migrateurs et de la migration tout au long de cette heure en compagnie de Maxime Zucca, qui est ornithologue chargé de mission à Nature Paris, qui est l'agence régionale pour la biodiversité en Ile-de-France, et avec Grégoire Loïs, directeur adjoint du programme de sciences participatives Vigie Nature au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors, je le disais, maintenant on va essayer de comprendre un peu ces mécaniques migratoires sur lesquelles il reste encore quelques zones d'ombre sur la notion de repères, d'innés et d'acquis. Vous avez écrit, Maxime Zucca, dans le dernier numéro d'une revue qu'on aime beaucoup à la méthode scientifique qui s'appelle Relief, qui a 2 phases dans la vie d'un oiseau migrateur, une phase de migration innée et à terme une phase qui devient acquise, qui s'enrichit avec l'expérience. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'on sait en tout cas de la différence entre ces 2 phases ? Donc la plupart des jeunes oiseaux migrateurs vont migrer seuls, globalement. On peut prendre l'exemple extrême du coucou gris qui voit jamais ses parents, puisque le coucou va pondre son œuf dans le nid d'un autre oiseau, et pourtant tous les jeunes coucous arrivent à destination en Afrique sans qu'on leur ait jamais enseigné. Ça vaut en fait pour les rousserolles, les pouillots véloces dont il était question tout à l'heure dans le reportage, qui sont des oiseaux qui vont partir en migration après leurs parents. En plus, en général, les adultes quittent les lieux de reproduction avant les jeunes qui doivent passer un certain temps à explorer les alentours, etc. Donc bon, ils peuvent compter que sur eux-mêmes, et en l'occurrence, quand même sur leur programme génétique qui leur a été transmis par leurs parents. Donc là, la première migration, il n'y a pas le choix, c'est complètement inné. C'est-à-dire qu'on a l'oiseau en lui un programme migratoire qui lui dicte certaines choses. Alors évidemment, là on va faire de l'anthropocentrisme, mais qui en gros lui dit vol pendant 10 jours vers le sud-ouest, et puis ensuite vol pendant 5 jours vers le sud. Mais c'est ce mécanique génétique qui est quand même un peu étrange. Comment est-ce qu'on peut coder pour une direction, pour une durée de vol, pour une... C'est ces choses-là qui restent encore un peu curieuses et que vous allez nous expliquer, parce qu'on a quand même quelques pistes d'études qui nous renseignent là-dessus. Ouais. Alors pour comprendre ça, déjà au-delà du codage génétique, parce qu'à la limite là, le codage génétique, je saurais pas répondre très précisément, parce que je pense qu'on n'en sait pas encore beaucoup, parce qu'il y a plein de gènes. On sait qu'il y a plein de gènes qui sont impliqués dedans, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est très difficile de le faire évoluer. Mais par contre, ça a été découvert, ce phénomène, assez fortuitement, en mettant des oiseaux dès le 19e siècle, des collectionneurs d'oiseaux se sont rendus compte que leurs oiseaux sautillaient la nuit dans leur cage au mois d'août, septembre, et bon, pourquoi ? Des chercheurs s'en sont réaperçus en Allemagne dans les années 60, et ils ont décidé de mesurer ce phénomène, et donc ils ont élevé l'année suivante des fauvettes, donc ils ont pris des œufs en nature, ils ont élevé les jeunes en captivité. Ils les ont placés dans ces grandes cages entonnoirs, dans des grandes cages sur des petits perchoirs, et puis ils ont essayé de quantifier le nombre d'heures qu'ils passaient à sauter comme ça frénétiquement la nuit dans leur cage, alors que le reste de l'année ils dormaient la nuit, et le nombre de nuits qu'ils passaient à le faire, et puis ils se sont rendus compte sur des fauvettes des jardins que les fauvettes des jardins elles sautillaient une dizaine d'heures par nuit, et qu'elles le faisaient une trentaine d'heures dans la saison. Et au final, ils ont multiplié les 30 nuits par 10 heures. Ça nous faisait 300 heures de sautillement. Ils ont multiplié ça par la distance, par la vitesse de migration, par exemple 40 km/h. Et tiens, ça faisait 300 fois 40, ça faisait 12 000 km, si on transposait ça en distance. Et c'était la distance de migration. Alors je me trompe, c'était pas 30, c'était 25. Et du coup, on était plus sur 10 000 km, mais peu importe. Mais pour avoir un ordre de grandeur, c'était la distance de migration des fauvettes de jardin. De cette population étudiée. Donc ils se sont dit, là il y a quand même quelque chose d'incroyable, visiblement c'est complètement codé génétiquement, et c'est cet oiseau qui est né en captivité est en train d'exprimer dans sa cage la distance de migration. Il sautille comme s'il était en train de migrer, et la distance correspond exactement à ce qu'il devrait faire. Et puis en plus ils se sont rendu compte qu'il sautillait toujours dans la même direction. Donc en plus de ça, ça a ouvert des champs à tout un tas d'expériences pour comprendre qu'est-ce qu'ils utilisaient comme repère pour s'orienter. Mais voilà, déjà, en tout cas, la distance de migration, on a compris que c'était un truc qui était complètement transmis. Alors, coder comment, je ne vais pas vous répondre précisément. Non, mais sans rentrer dans les arcanes de la génétique, on connaît aujourd'hui quelques points de repère des oiseaux migrateurs, qu'il s'agisse du soleil, même des étoiles pour les migrations de nuit. On sait qu'ils réagissent aussi au champ magnétique terrestre. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot, Grégoire Loïs? De ces différents guides innés, en tout cas pour les populations d'oiseaux migrateurs. Ouais, sur ces différents guides innés, je ne sais pas si je pourrais en dire grand chose, mais par contre effectivement il y a la direction qui a aussi inscrit génétiquement et qui a été montrée un peu avec le même genre d'expérience sur des cuvettes. C'est une expérience simple pour peu qu'on dispose d'oiseaux en captivité, mais c'est des cuvettes où dans le fond de la cuvette il y a un peu d'encre, et en fait on a ces oiseaux comme ça qui s'élancent en sautillant comme ça, qui s'élancent toute la nuit, et en fait au petit matin on a un espèce de faisceau qui indique la direction dans laquelle ils ont essayé de partir, donc il semble que ce soit assez profondément inscrit. Il y a des oiseaux qui font des déplacements d'année en année, qui font les mêmes déplacements, et alors là paradoxalement c'est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'en fait c'est acquis dès la première année. C'est les guillemots de Troil en Écosse, où on s'est aperçu qu'en fait les zones d'hivernage qu'ils vont fréquenter, elles ont l'air d'être distribuées complètement au hasard dans la population. En fait elles sont pas distribuées, enfin elles sont distribuées au hasard, mais par contre d'année en année les oiseaux retournent sur la zone sur laquelle ils ont hiverné la première année, sur un éventail de zones absolument considérable. Tout le monde constate pour les hirondelles, par exemple, que quand des hirondelles viennent, elles reviennent nicher en général assez régulièrement, toujours au même endroit, d'une année sur l'autre, etc. J'ai lu que certains oiseaux migrateurs sont pourvus d'une forme de compas solaire. Qu'est-ce que c'est, Maxime Duquet, un compas solaire ? Alors, bon, après, je reviendrai parce que j'ai pas complètement répondu à votre question sur l'inné et l'acquis. Hein, alors, on va développer. Vous développez ça d'abord avant le compas solaire ? Allez-y sur l'inné et l'acquis. Parce qu'il y a une expérience qui est quand même vraiment chouette aussi, qui parle bien. C'est dans les années 60-70, un ornithologue hollandais qui qui posait des bagues sur des étourneaux, donc des oiseaux que tout le monde connaît. Et du coup, il connaissait parfaitement leur migration. Alors, il avait notamment choisi cette espèce parce qu'elle était chassée. Donc, du coup, il avait des reprises de bagues à la chasse un peu partout. Et sa population allait hiverner, les étourneaux qui baguaient allaient tous hiverner, soit en Normandie, Bretagne, soit en Cornouailles, dans le Kent, au sud de l'Angleterre. Mm-hmm. Donc, il savait où il allait. Et puis, il a eu l'idée d'en déplacer un millier, qu'il a capturé, qu'il a emmené en Suisse, en avion. Et il les a relâchés en Suisse, et bagués. Et pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient, ces oiseaux qui relâchaient en Suisse. Et alors, il s'est rendu compte que les reprises de bagues des jeunes se trouvaient dans l'Aquitaine. Donc, c'est-à-dire que les oiseaux relâchés en Suisse, les jeunes avaient migré selon la même direction exactement qu'ils auraient entreprise depuis les Pays-Bas. Donc, selon simplement leur programme génétique interne. Alors que les adultes, eux, étaient retournés hiverner en Normandie sur le site qu'ils connaissaient de l'année précédente. Donc, eux, l'acquis avait pris le pas sur l'inné. Et alors justement, parce que je parlais du compas solaire, mais il y a d'autres choses. J'ai lu par exemple qu'il y a des études qui ont été effectuées sur le fait qu'il y a une composante dans la rétine qui permet à certains oiseaux de voir les lignes du champ magnétique terrestre. C'est assez dingue ça. Alors il y a effectivement faut distinguer deux choses, c'est l'orientation et la navigation. Donc l'orientation, c'est la capacité à savoir où est le sud, le nord, l'est, l'ouest, et globalement, je suis là, je vais aller vers le sud, où est le sud ? La nuit, sans rien, ou le jour. Donc les oiseaux utilisent pour ça soit déjà en association de deux types d'informations, une information céleste, donc le jour, le soleil, la nuit, les étoiles, pour ceux qui migrent le jour ou la nuit, et une information magnétique. Cette information magnétique, elle est beaucoup plus difficile à concevoir pour nous parce qu'on a a priori un petit sens magnétique, mais il est bien caché au fond de nous. Alors que chez les animaux, et en particulier chez les oiseaux migrateurs, c'est un sens central qui s'exprime fortement. Et donc, il a été montré effectivement par toute une équipe de chercheurs, notamment Vitschko en Allemagne, que ce sens magnétique qui permet de s'orienter, effectivement, il est capté par des récepteurs dans la rétine qu'on appelle les cryptochromes, qui sont ensuite reliés à un centre de traitement qui sont des paires d'ions radicaux et qui transmettent une information de type vraiment lumineuse, un signal dans la rétine et qui vaut en fait à potentiellement une capacité à voir ces lignes de champ magnétique, car c'est l'inclinaison des lignes de champ magnétique qui est utilisée comme information de base, parce que le champ magnétique il se décline en trois types d'informations. L'inclinaison des lignes de champ, c'est-à-dire elle est perpendiculaire à la Terre au niveau des pôles, elle est parallèle à la Terre au niveau de l'équateur, et donc cette inclinaison va changer très faiblement mais de manière prédictible du nord du pôle vers l'équateur. Une autre information magnétique, qui existe, c'est la déclinaison du champ magnétique. Cette déclinaison, c'est l'angle en un point donné que fait le pôle nord géographique avec le pôle nord magnétique. Donc celle-ci, elle varie régulièrement, mais elle varie très très peu. Elle varie de quelques degrés par an. Oui. Mais du coup, par contre, d'un point de n'importe quel point de la Terre, il y a une position. Enfin, elle varie de manière assez prédictible aussi. Et la troisième information, c'est l'intensité du champ magnétique, qui est plus forte au pôle, plus faible à l'équateur. C'est de l'ordre de quelques nanotesla, la variation à l'échelle de quelques kilomètres. Mais les oiseaux sont capables de détecter d'infimes variations du champ magnétique. Donc, pour s'orienter, ils utilisent l'inclinaison des lignes de champ. C'est prouvé, démontré. Il n'y a pas de souci. On connaît à peu près tout. Ensuite, pour naviguer. Pour savoir où on se trouve, donc la navigation cartographique, le GPS et non plus la boussole, là c'est plutôt l'intensité du champ magnétique pour l'instant qu'on suppose être utilisé parce qu'un tas d'expériences le montrent, mais il faut forcément deux coordonnées. On ne sait pas forcément, la déclinaison pourrait jouer un rôle aussi. J'ai lu qu'il y avait eu un certain nombre d'expériences, notamment en termes de neurosciences et en termes de structure cérébrale aviaire, qui montrent qu'effectivement les oiseaux ont une capacité extraordinaire à la conceptualisation de la cartographie. C'est-à-dire la cartographie de l'environnement, donc par la vue, repérer évidemment les reliefs, les montagnes, les côtes. Certains oiseaux arrivent même à se repérer en fonction de l'intensité et de la forme des vagues et des courants marins. Ouais. Alors ça a été pas mal étudié chez les pigeons. mm-hmm. qui sont des oiseaux qu'on utilise maintenant. À l'époque, on les utilisait comme SMS, hein, pour envoyer un petit message. Mm-hmm. Avant qu'ils soient des tyrannosaures. Voilà, à l'époque des Romains, en tout cas, c'était les SMS de l'époque. Et maintenant, ils sont plutôt utilisés pour faire des courses. Des courses de pigeons, voilà, c'est celui qui arrive le plus vite qui a gagné. Mais du coup, bah, ces pigeons, bah, on les habitue à être nourris dans un pigeonnier, puis on les lâche loin et on voit le temps qu'ils mettent à revenir. Et ces pigeons, ils utilisent évidemment tous les mêmes repères pour s'orienter magnétique solaire, mais aussi beaucoup les repères paysagers. Il y a même une étude sympa qui a montré qu'ils suivaient les autoroutes. Ils avaient compris que c'était un pratique à suivre. Ouais, ça n'empêche pas qu'ils se perdent. C'est compliqué à faible échelle. Sur leur territoire, les oiseaux utilisent les repères paysagers, clairement. Ils connaissent très bien leurs alentours, les alentours de leur territoire. Quand on est en avion, on comprend bien que d'un point de vue de l'œil de l'oiseau, le paysage a un rôle important. Malgré tout, la plupart migrent de nuit et là, les paysages sont d'un moindre intérêt. Alors de la nuit, par contre, quand on prend l'avion, on se rend compte qu'il y a un truc qui est très visible, c'est la pollution lumineuse. Mm-hmm. Mais ça, on y viendra peut-être après. Mais bon, ça joue un vrai rôle. On va pas tarder à y aller parce qu'il nous reste pas très longtemps. J'aimerais juste qu'on dise un dernier mot aussi sur les capacités des oiseaux à se repérer, à naviguer et à établir des cartographies mentales ou visuelles. Je sais pas ce qui est le plus à propos. J'ai vu qu'il y avait une forme de repérage chimique et olfactif aussi, qui était capable d'avoir des cartes d'odeur atmosphérique. Ça reste de l'ordre de l'hypothèse, hein, mais effectivement, bon, globalement, peut-être, je ne sais pas si c'est bien clair la manière dont les oiseaux naviguent. Vous déplacez un oiseau à 500 km, 1000 km de son site de reproduction, un endroit complètement inconnu, il est capable de revenir, comme le chat dont vous voulez vous débarrasser, qui revient quand même. C'est ça la capacité de navigation, c'est d'un point, savoir d'un point A. Comment aller à un point B inconnu ou connu, mais déplacé en un point inconnu. Donc c'est cette navigation par GPS. Donc il faut de coordonnées, un X, un Y potentiellement. Donc a priori, l'intensité du champ magnétique constitue l'une des coordonnées et l'autre on ne sait pas. Et effectivement, par exemple chez des pigeons et des étourneaux, on a montré que en déplaçant des pigeons dans une cage opaque en verre dans laquelle ils ne pouvaient pas sentir les odeurs atmosphériques, par rapport à un groupe témoin de pigeons qui pouvaient le sentir, les pigeons qui n'arrivaient pas, qui n'avaient pas pu sentir les odeurs atmosphériques pendant le déplacement, retrouvaient beaucoup plus difficilement leur point d'origine. Donc il y a quelque chose, mais aller trouver une variable chimique dans l'air qui varie de manière prédictible sur l'ensemble du continent, d'un continent, on n'en a pas. Pour l'instant, on ne sait pas du tout. Puis en plus, ça serait extrêmement balayé par les vents. Il y a différentes, à différentes altitudes aussi, en fonction des espèces. Donc c'est un mystère. Il y a quelque chose sur l'olfaction. Grégoire Loïs. Alors, c'est plus une question, mais il me semblait que c'était assez avéré chez les procellaridés, les oiseaux de mer. Alors, le rôle de l'olfaction. Ouais, tout à fait. Mais eux, c'est pour aller... c'est des oiseaux qui ont une olfaction très développée pour regagner leur colonie notamment ou pour trouver une source de nourriture. Ils vont effectivement se déplacer à l'olfaction. La question, c'est facile. Ils ont une ressource donnée, nourriture ou leur site qui est identifié d'un point de vue olfactif. Par contre, utiliser une variable à très grande échelle, à l'échelle de plusieurs milliers de kilomètres, pour naviguer une variable olfactive, il faut que cette variable elle varie de manière prédictible, de manière continue. Pas qu'elle ait une valeur là, complètement. Et ça, on n'arrive pas à savoir. Effectivement, quand on est à 500 km, on trouve la boucherie à 50 mètres, on trouve une boucherie à l'odeur du poulet. Donc là, comme les procédés. Non, là-bas, non. Voilà, même avec un très bon odeur. Mais par contre, on n'a pas de variable olfactive qui permet d'expliquer ça. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il nous reste une petite dizaine de minutes puisqu'il est déjà 16h48 pour parler maintenant des facteurs perturbateurs de ces migrations annuelles de différentes espèces et de différentes populations d'oiseaux. Vous évoquiez tout à l'heure, Maxime Zucca, à l'instant, la pollution lumineuse. Aujourd'hui, est-ce que l'on sait quels sont les principaux éléments perturbateurs de ces migrations? Est-ce qu'il s'agit de la pollution lumineuse, Grégoire Loïs? Est-ce qu'il s'agit du réchauffement climatique? Est-ce qu'il s'agit des épandages, de la pollution aérienne? Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui vient perturber ces phénomènes migratoires? Du coup, la liste que vous avez commencé, qu'on pourrait imaginer très longue, en fait, on imagine bien qu'elle joue comme perturbateur. Là, il y a une étude assez récente qui a été faite sur une population d'outarcane petière en Espagne, dans laquelle on a typiquement ce dont on parlait au début, c'est-à-dire on a une population dans laquelle il y a une portion des individus seulement qui sont migrateurs. Cette population, elle a été étudiée sur 16 ans. Avec des individus, évidemment, identifiés jusqu'à l'individu. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que d'abord, il y avait une baisse de cette proportion de migrateurs. C'est-à-dire, il y a de moins en moins de migrateurs dans cette population. Et on s'est posé la question de savoir pourquoi. On a pu estimer que, par exemple, les collisions, c'est un tiers des cas de mortalité en migration. Mmh. Donc là, on a les lignes haute tension ou les éoliennes sur les cols. Qu'on essaie d'éviter, évidemment, quoi. C'est un des facteurs parmi beaucoup. Il y a d'autres éléments d'origine anthropique qui peuvent favoriser ou défavoriser la migration. Il y a un résultat qui est complètement incroyable, c'est qu'en fait le poids du nourrissage au Royaume-Uni a rendu en grande partie sédentaire la fauvette à tête noire en hiver. Le poids du nourrissage, c'est-à-dire L'activité des gens qui nourrissent les oiseaux. Ah oui, d'accord. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que là, pour le coup, la ressource, ça procure un tel avantage aux sédentaires que la portion de migrateurs, même courte distance, elle a fini par disparaître. Donc je reviens tout à fait sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait de mettre du beurre ou des graines sur son balcon, il faut éviter. Ah non, moi je suis pas pour éviter. Si vous voulez, la population de fauvettes à tête noire, comme le disait Maxime tout à l'heure, la population de fauvettes à tête noire, de toute manière, elle subit des modifications d'habitat, des modifications de ressources. On a entendu il y a deux semaines en Allemagne 75% de la biomasse en insectes qui a disparu depuis 1989. Donc si on peut faire quelque chose et en plus en apprendre et restaurer cette expérience de nature en regardant les fauvettes dans son jardin parce qu'on les a attirées avec de la nourriture, aucun problème. Il faut y aller. Il n'y a aucun problème. On va vous remettre le lien aussi vers l'émission. On parlait précisément de sciences participatives, de comptage des oiseaux de jardin. On va vous le mettre sur le fil Twitter. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui? Est-ce qu'on a des études, est-ce qu'on a des éléments suffisants pour juger de l'impact du dérèglement climatique sur les trajectoires, sur les populations, sur les oiseaux migrateurs en règle générale, Maxime Ducard? Ça a été énormément recherché, évidemment. Les oiseaux migrateurs, c'est un excellent modèle pour ça. Il y a beaucoup de choses. Alors, en fait, il faut inclure changements globaux, parce qu'il n'y a pas que le changement climatique. Globalement, il faut tout prendre ensemble. De manière générale, il faut tout prendre ensemble. Et les modifications d'habitat, qui sont aussi la conséquence des changements climatiques parfois, mais aussi des activités humaines qui elles-mêmes génèrent des changements climatiques. Bref. Donc du coup, on a ce package-là de modifications des habitats, donc dont fait partie la perte, la chute des insectes, par exemple, dont parlait Grégoire Loïs à l'instant. Et donc ces modifications, j'y reviens, climatiques. Bon, on a deux trois grands trucs. Par exemple, des printemps globalement plus chauds, les insectes vont émerger plus tôt, les plantes vont débourrer plus tôt, les bourgeons. Voilà. Mmh. Par contre, les oiseaux qui eux se trouvent au Sénégal à cette époque de l'année, ils n'ont pas l'information que les chenilles commencent déjà à s'activer et ils arrivent en retard. Globalement, ils arrivent à peu près à la même période, mais le pic d'émergence des proies peut arriver trop tôt pour nourrir leurs jeunes, alors que c'était relativement bien calé là-dessus. Donc là, du coup, on va potentiellement avoir nécessité d'une sélection encore, donc avancer les dates de migration, ce qu'un certain nombre d'oiseaux font. C'est-à-dire qu'on a une tendance globale à l'avancement des arrivées d'oiseaux migrateurs au long cours, mais qui n'est pas tout à fait suffisante pour... Par rapport à l'avancement de la saison, la saisonnalité sur site de repro. C'est rendu un petit peu compliqué par le fait que, en fait, c'est très difficile de faire évoluer tout un tas de paramètres migratoires parce que, justement, tout étant un peu codé génétiquement, il y a aussi bien la distance que, ou comment s'alimenter, comment passer un obstacle tel que le Sahara, etc. C'est pas facile de faire évoluer tout ça très rapidement. C'est-à-dire qu'il y a une évolution qui est en cours, mais qui n'est pas à l'échelle de l'évolution des modifications climatiques qu'on peut avoir en Europe. C'est ça. Du coup, les oiseaux ont ce qu'on appelle une dette climatique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent un petit peu moins vite, aussi bien en termes de migration qu'en termes de reproduction. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à ce que les oiseaux migrent progressivement, enfin se déplacent vers le nord, que les populations, le centre de gravité de chaque population se déplace vers le nord au même rythme que les températures, et c'est pas le cas du tout. Donc du coup, tout ça fait qu'ils sont un peu en décalage avec leur environnement, qui parfois va plus vite, notamment en termes de végétation et d'insectes. Mm-hmm. Donc ça a certaines conséquences. L'autre problème, c'est qu'en plus, il peut y avoir des sortes d'injonctions contradictoires, c'est-à-dire que il va être plus intéressant de rester plus tard en hiver en Afrique parce que les conditions météo ont changé là-bas, les conditions climatiques ont changé, une pluviosité qui est plus à la même période qu'avant ou des hivers plus secs. Et du coup, bah, pour partir dans des meilleures conditions, les oiseaux sont plutôt forcés d'attendre un petit peu plus tard alors qu'ils devraient arriver plus tôt en Europe. Donc voilà, des contradictions qui fait que là, ça commence à être un vrai souci. Et on arrive assez bien à relier les années très pauvres en certaines espèces aux conditions pluviométriques en Afrique. Et ça semble être quelque chose d'assez central. Donc les variations pluviométriques dues au changement climatique en Afrique semblent avoir un très très gros rôle sur les populations d'oiseaux migrateurs chez nous. Donc quand on mélange tout ça, ces insectes qui émergent plus tôt et dont les oiseaux... et les oiseaux qui arrivent trop tard, les conditions pluviométriques en Afrique et le fait qu'on a beaucoup moins d'insectes, donc c'est l'étude en Allemagne dont parlait avec Grégoire, mais qu'on ressent tous, qu'on pressent tous, hein, on a beaucoup moins d'insectes qui s'éclatent contre nos pare-brises, on le voit bien, fait que les oiseaux migrateurs sont le groupe d'oiseaux qui dit les oiseaux migrateurs au long cours, pardon, parce que ceux sont migrateurs, ceux qui migrent jusqu'en Afrique sont ceux qui déclinent le plus globalement, insectivores, des oiseaux qui aiment les haies, les milieux de lisière, enfin que des milieux globalement un peu menacés, les zones humides. Alors que les oiseaux granivores qui migrent sur de courtes distances s'en sortent un peu mieux. On a, Grégoire Loïs, des idées. Est-ce qu'on peut quantifier le déclin de ces oiseaux migrateurs? Est-ce que ces oiseaux migrateurs, comme vient de le dire Maxime Ducas, au long cours, sont lourdement impactés en termes de baisse du nombre d'individus par population ou de disparition de certaines espèces même? Alors effectivement, on peut quantifier et c'est là qu'on fait appel aux sciences participatives. Avec, on mobilise des amateurs d'oiseaux, des ornithologues amateurs pour aller compter amateurs au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire qu'ils sont parfois beaucoup plus compétents que les professionnels, pour aller compter chaque année au printemps les oiseaux nicheurs. Et puis comme ça, on est capable de faire des variations d'abondance des populations nicheuses en France. Et c'est de là qu'on tire ce constat, où on voit que non seulement les spécialistes déclinent beaucoup plus que les généralistes, et puis qu'en plus les migrateurs longue distance déclinent. Ce qu'il faut dire aussi à propos du changement climatique et du réchauffement climatique, alors d'abord ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement il y a une grande diversité des causalités, qu'on en est réduit à des corrélats. On n'a que rarement l'expérience de la preuve. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce réchauffement climatique, il n'a pas la même intensité partout. Et que notamment, en Afrique, l'effet est beaucoup moins intense que plus on va vers l'hémisphère nord et plus l'effet est intense. Et du coup, on a aussi des changements de composition des communautés d'oiseaux. Alors, non seulement chez nous, mais aussi sur les populations hivernantes en Afrique qui se retrouvent en compétition avec les populations locales. Les populations locales ont finalement pas besoin de faire beaucoup d'ajustements pour s'adapter à l'effet qui est assez mineur, alors que les populations qui viennent hiverner en Afrique ont besoin de faire de forts ajustements, et localement pendant l'hivernation, et pendant la nidification. Justement, pour conclure, hein, il nous reste quelques secondes, un mot pour les gens qui sont intéressés, qui sont ornithologues amateurs et qui aimeraient participer à ce recensement. Il y a des endroits, des sites, des associations vers lesquelles il faut les renvoyer pour justement contribuer à ce travail de recensement. Bah alors, il y a le site Viginature qui peut être d'un peu d'aide. Il y a évidemment la Ligue de protection des oiseaux. Et puis là, à partir de mi-novembre, on va relancer BirdLab, qui est une opération de science participative expérimentale où en fait on fait en temps réel sur les interfaces tactiles les interactions entre oiseaux à la mangeoire. Absolument fascinant. On va vous mettre tous ces liens sur la page de La Méthode Scientifique sur franceculture.fr ainsi que sur notre fil Twitter @lamethodefc. Voilà, si vous voulez vous renseigner, on vous met tous les liens pour pouvoir aller aider au recensement justement et au décompte de ces oiseaux migrateurs au cours ou au long cours. Merci beaucoup Maxime Ducas, merci Grégoire Loïs. Maxime, je rappelle, La migration des oiseaux, comprendre les voyageurs du ciel, c'est aux éditions Sud-Ouest. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Némina Guette-Saint-Vulfran, Céline Lausanne, Hugo Bartholomei, Yves Etienne, Milena Ellig à la réalisation, Alex Dang à la technique, Victor Buton au droit d'auteur. France Culture, l'esprit d'ouverture. Eh ben, on va en profiter pour vous dire ce qui vous attend pour la suite de vos aventures sur France Culture. Tout à l'heure, dans un peu plus d'une heure, dans Le Grain à Moudre, la question que poserait Hervé Gardette à ses invités, la politique se fait-elle autrement? Dans un instant, c'est le premier LSD de la semaine, la série documentaire De la plante aux médicaments par Lydia Benitzak et Anna Smuk. Et puis ne ratez pas tout au long de la semaine, surtout à Voix Nue de 20h à 20h30, qui est consacrée cette semaine à la mathématicienne Nicole El-Khaoui. Pour ce qui nous concerne, bien demain, nous nous intéresserons à tous ces cailloux qui tombent du ciel à l'occasion de l'exposition météorite à la Grande Galerie de l'Évolution au Muséum d'Histoire Naturelle. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.